Bonjour, je peux prendre les commandes ? Oui, moi j'ai très faim. Une formule, s'il vous plaît. La salade en entrée et... Le plat du jour, c'est quoi ? Aujourd'hui, c'est du poisson. Parfait. Alors, la salade et le plat du jour. Bien. Et pour vous, madame ? Qu'est-ce qu'il y a dans le gazpacho ? Des tomates, des concombres et des poivrons. De l'ail, un peu d'huile, du vinaigre et du sel. Il y a beaucoup de poivrons ? Non. C'est parfait. Je prends un gazpacho. Et comme plat, le steak frites, s'il vous plaît. Et une carafe d'eau. C'est noté. Et en dessert ? Ah oui. Moi, je voudrais de la mousse au chocolat, s'il vous plaît. Et pour moi, des fraises. Merci.